Le 25 avril, le comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, l'association britannique d'études de la politique de Sungun, le cercle britannique d'études des Ejutsu et l'association d'amitié Grande-Bretagne-Corée ont lancé une déclaration commune pour féliciter le 7e congrès du Parti du Travail de Corée.